C'est une des meilleures nouveautés du Before Party Fun. Ouais. Ça s'appelle Vassy Nothing to Lose. J'espère que vous passez une bonne soirée. 20h, ça va être l'heure de retrouver le Doc et Karel avec Love in Fun. Juste avant, Adrien, tu vas recevoir à minuit, tu vas revenir, pardon, à minuit pour Party Fun. Ouais, c'est ça. Et je vais vous jouer ce morceau. Ah, on est là, on est là. Oh là, qui, le mec qui parle. Salut, là, on est là. Salut, salut. On arrive dans quelques instants. Vous connaissez ça? Bonjour. Ouais, grave, bien sûr. Grave. Non, écoute. Si, Sex and Son. De qui? Gainsbourg. Oui, bien sûr. Gainsbourg, mais c'est repris. Eh bien, il y a un jeune DJ producteur français qui l'a repris, Antoine Delvig, et je le recevrai demain soir en direct à minuit dans Party Fun. Voilà. Bravo. Mais je vous en prie, On t'a dérangé là, non? Non, non, non. Mais on veut pas vous embêter. Je vais couper, parce que du coup, je vais le jouer tout à l'heure à minuit. Ce serait con. Cool, d'accord. Non, en entier. Bah, allez-y, terminez votre émission. Oui, on vous laisse. Oui, on va pas vous embêter. Bah, maintenant, c'est à votre tour. Donc, ah bon. Ah, ok. D'accord. C'est parti. On y va alors. Du sexe, de l'amour et du fun. Salut. Fun. Salut les mecs, c'est parti. Salut. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01-42-48-5000 Love in Fun. Love in Fun. 20h-22h avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Fun Radio, c'est Love in Fun. Il y a la voix cassée, bon allez, tais-toi un peu parce que finalement... Ouais, oh, ça va Doc. Il va s'énerver, il va encore plus casser sa voix. Non mais, c'est-à-dire que... Comment il va finir l'émission? Je vais te dire un truc. Je t'écoute. Non, je vais te dire un truc, et je travaille avec un médecin tous les jours, et j'ai jamais été autant malade depuis que je travaille avec toi. Oui, mais qu'est-ce que tu fais de tes nuits, hein? Ah ouais, ça c'est la vraie question. Donc en fait, il faut que je parle hyper grave. Parce que sinon c'est gras. Et gras, voilà. Sinon, ça va pas le tu faire. Tu peux cracher un peu ce que t'as dans la gorge parce que non, là, mais j'ai rien dans la gorge. Tout va bien. On est très content de vous retrouver ce soir sur Fun Radio. Et c'est vrai que ça va peut-être être compliqué pour moi, mais on va y aller quand même. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone que vous allez pouvoir composer toute la soirée sur Fun Radio avec Doc. Et là, bonsoir. Ouais, salut. Moi, j'ai la voix bien claire. Arrête de taper. Tout se passe bien pour moi, ma voix est bonne. J'ai quoi, Doc? C'est une laryngite, c'est ça? Une laryngite, ouais. D'accord, et ça va se guérir quand, hein? Oh, ouais, sympa, merci. Il y a que le temps. Merci. Un jour. Merci pour l'ordonnance. On a Godefroy qui est à l'arrêt. Bien sûr, Cassim est avec nous. Ouais. Ça, tout le monde. On a fait un Facebook Live là juste avant de faire l'émission. Et Cassim a traité les auditeurs. Ouais, parce qu'il sait faire que ça. Si. Non, mais je leur ai dit de venir à 20h avant d'enculer. Oh, voilà. Alors, si vous voulez qu'on punisse Cassim ce soir, n'hésitez pas, hashtag Love in Fun, pour lâcher Est-ce vos punitions. Est-ce que tu as le fouet, Godefroy? Ah. Tu peux donner un coup de fouet? Il faut que je le trouve. Fouette. Mais fouette. Fouette Cassim. Voilà. Et ça excite Alice, comme par hasard. Ça va, Alice? Bah écoute, ça va. Quand je t'entends, je me dis que je vais peut-être lancer un nouveau chiffre parce que je pense qu'il y a au moins 4 personnes sur 5 qui ont envie de cracher quand ils t'entendent parler. Oh, putain, qui ont envie de tousser. Non, putain, je suis désolé, quoi. Ça doit être horrible. Mais non, écoutez, c'est quoi? Je m'en vais. Mais non, ça va, franchement. Guillaume et Cindy qui vous attendent au standard 01 42 48 5000 et on va tout de suite accueillir notre auditeur du soir. C'est Damien. Bonsoir, Damien. Salut, Damien. Salut toute l'équipe. Salut, Damien. T'as 14 ans et t'as poté. Content d'être avec nous? Ah oui, je suis trop content. Ah bah bravo, merci d'être avec nous. Prépare-toi bien parce qu'il va falloir que tu remplaces Karel, peut-être annuler l'émission. C'est vrai, est-ce que tu fais un petit peu de la radio, toi? Oui, je fais de la web radio. C'est vrai? Ouais. Bon bah tu vas pouvoir accueillir le premier auditeur, alors. Ok, ça marche. Il s'appelle... elle s'appelle, c'est Lucie. Vas-y. Bonsoir, Lucie. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut Lucie, t'as 24 ans et t'es de Nantes. Exactement. Bah, je te présente notre nouvel animateur ce soir, c'est notre auditeur du soir. Tu nous appelles pourquoi? Salut. Et ben moi du coup, j'appelle pour avoir des petits conseils que mon mec a trouvé du boulot il y a 3 semaines et depuis, je fais plus du tout attention à moi. Ah bon? Si tu peux faire attention à nous, tu parles bien dans ton appareil et tu bouges pas trop s'il te plaît. Ouais, pas de problème. Voilà, merci, comme ça on t'entend mieux. Il fait quoi comme travail? Il est technicien de maintenance. Et pourquoi il fait plus attention à toi depuis? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, déjà, il a trouvé du boulot de nuit. Ouais. Donc, c'est-à-dire que lui, il fait du 21h-5h et moi, je fais du 9h-17h. Ah, ça permet de garder l'harmonie dans le couple, ça. Les horaires décalés exactement. Comme ça. Exactement. Ouais, alors, donc, en gros, vos moments de vie commune, c'est quand? Bah, de 18h à 20h. Mais putain, c'est dur quand même. Non, et quand il rentre à 5h, tu peux pas te réveiller? Ah, bah, il est réveillé quand je rentre. Mais pas toi. Ah, pardon. Quand tu rentres, quand il rentre lui, tu peux pas te réveiller? Bah après, c'est pas à cette heure-là de la journée qu'on va faire grand chose, quoi. Et est-ce que tu veux lui faire passer un message? Parce que j'imagine que si tu nous appelles, c'est pas seulement pour nous en parler, c'est peut-être aussi pour lui dire là maintenant ce soir en direct que ça suffit. Hein? Bah, c'est vrai quoi, j'aimerais bien. Enfin, attends. Déjà une chose importante, il a trouvé du boulot. D'accord? Ah bah oui, ça par contre c'est positif. Deuxièmement, quand on s'aime, on sait qu'il y a des moments dans la vie où c'est plus dur. Parce que si on est ensemble et on s'aime uniquement pour les bons moments, c'est qu'on s'aime pas vraiment. Quand on aime quelqu'un, alors il faut trouver les moyens. Il y a des week-ends déjà, ce qui est quand même déjà pas mal. Et puis peut-être, je sais pas, trouver un moment où toi tu peux, en te couchant plus tôt, hein, une ou deux matins par semaine, être disponible à 5h ou 6h, tu vois. Il faut faire des compromis. Oui, mais je pense que quand on s'aime, on peut trouver ces compromis. Et je crois que pour s'épanouir dans la vie de couple est importante, mais la vie personnelle est importante. Et pour lui, je crois qu'il faut que tu acceptes ça, mais il faut que tu lui en parles surtout. Bah on va lui passer un petit coup de téléphone. Si ça se trouve, il en souffre autant que toi. Peut-être aussi, bien sûr. N'hésitez pas à réagir, hein, si vous aussi, vous avez du mal là, dans votre couple, vous n'êtes jamais ensemble, hein, 01 42 48 5000. Lucie, on appelle ton mec. C'est ouais, parti. Carrément, mais c'est vrai que voilà, fin, du coup, Doc, tu allais parler des week-ends, mais fin, du coup, les week-ends... Mais qu'est-ce qu'il fait le week-end? Bah, il dort, en fait, pour garder son rythme. Ouais, c'est pour ça, c'est dur. Hein. Il y en a plein qui sont dans ton cas, Lucie. Hein. T'es pas isolé. Hein. Il est où là? Il bosse. Oui, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Salut, je t'appelle parce qu'en fait, je suis avec ta meuf, Lucie, là. Et ouais. On fait l'amour. Et on passe du bon temps parce que tu la délaisses un petit peu en ce moment. Du coup, elle m'a appelé. Elle m'a dit voilà, j'ai besoin d'amour, des câlins. Donc voilà, je suis avec ta meuf, là. D'accord. Tu vois? T'es au boulot? Ouais, mais c'est qui? Bah, c'est Karel, en fait. Ouais, c'est Karel, t'es en direct sur Fun Radio. Ouais. Oh là là. Et tu sais, Nathan, c'est Tony qu'on a au téléphone. C'est Tony. Tony, tu... Peur, là. Non mais bien sûr, non mais c'est cru une blague. Non mais tu risques rien. Il est complètement cassé. Il a la crève. Il a 40. Il est incapable de bander. Donc il n'y a pas de danger. En revanche, Lucie, est-ce que ce rire était collector? Ah, il est incroyable. Est-ce qu'on peut le mettre de côté? Ah ouais. On n'entendra plus jamais rire comme ça. Lucie. Oui. Lucie a un vrai problème avec toi, c'est que, et c'est pas de ta faute, vous bossez, donc du coup elle s'inquiète, parce que votre vie commune est restreinte au minimum. Ouais. T'es d'accord? Ah, Tony s'en fout. Bah oui. Je dirais pas ça, mais bon. Elle le ressent. Alors très bien, tu vois ça comment toi? Moi ça fait pas longtemps que je suis à mon taf, et puis. J'essaie de m'investir dedans, quoi. Enfin, okay. Ça, c'est très bien, mais je te félicite. Et Lucie va le comprendre. Mais par exemple, pour un détail très pratique, quand t'arrives à 5h du matin, elle dort. Bah oui. T'as essayé de la réveiller déjà? Non. Bah essaye. Il y a des moyens agréables de la réveiller. Ouais, non, mais à 5h du matin, t'es dans le pâté, donc. Enfin, je veux dire, t'as peut-être pas envie de. J'ai pas envie de la réveiller pour la faire un peu chier, quoi. Enfin. Mais alors, la question c'est, Lucie, est-ce que tu aimerais qu'on te réveille parfois de temps en temps à 5h du matin? De façon agréable, douce, gentille, avec des caresses et des câlins. Des caresses. Lucie. S'il met la manière, ouais, mais pas tous les jours. Pas tous les jours. Après, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est le début, c'est le boulot. Non, mais attends, bien sûr, trouver des petits compromis, une fois de temps en temps, tu comprends ou pas? Non. Ouais, mais c'est vrai que ça m'était jamais venu à l'idée, quoi. Enfin, elle y pense. Hein. Elle y pense, parce que... Je dors, quoi. Enfin, après, oui, mais attends, Lucie, c'est une femme. Elle pense à titre. Elle a envie d'avoir sa vie de couple. De temps en temps, que tu lui rappelles que tu as une vie de couple avec elle de la manière la plus classique, dire les choses comme ça, ce serait peut-être pas mal. Ouais, parce qu'elle nous a parlé du voisin. Enfin. Vous avez parlé du voisin? Ouais. Bon, tu sais, je suis en train de foutre la merde. Hein. Mais non, il est quand même pas. Fouteur de merde. C'est des conneries ou. C'est des conneries, t'inquiète pas. Mais bon, voilà. Simplement, ce que je vous conseille, c'est de trouver de temps en temps un petit compromis, chacun de votre côté. Là où toi, et même chose pour ta femme, lorsqu'elle rentre le soir, de trouver un petit moment. D'accord? C'est vrai que. En fait, ouais, je suis tellement taf en ce moment que, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, je vais te dire, taf, c'est bien, mais de temps en temps, une petite détente amoureuse, c'est pas mal. Pin. Ouais. Voilà, tac, passe avec Lucie. Là, je pense que t'as entendu ce qu'elle vient de te dire. Ouais, ouais, ouais,

Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi, avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi, avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Et ben nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. 22h. Loving Fun. Sur Fun Radio. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. The kisses are the listen out from your lies. Sur Fun Radio, Brice. Love You Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Et avec vos messages toute la soirée sur Fun Radio, au standard 01 42 48 5000. Vous pouvez aussi laisser vos messages sur le Facebook de l'émission Love In Fun ou sur le Twitter, hashtag Love In Fun Alice. On a reçu un message de Laurine qui dit apparemment on peut vous voir dans les studios en même temps pendant l'émission, mais on fait comment? Funradio.fr. Ou sur l'application. L'application, bien sûr. Et oui, c'est si simple. Et un message de Nora. Salut l'équipe, j'ai 13 ans et mon copain a 18 ans. J'aimerais savoir s'il n'est pas trop vieux pour moi. Si, c'est presque limite. Quel âge? Elle a 13 ans, il en a 18. Majorité sexuelle, c'est 13 ans. Ah ouais, non. Tant qu'il n'a pas de relation sexuelle, bon, pourquoi pas. C'est aussi une question de maturité physique, car il y a des filles qui sont pubères complètement à 13 ans et qui ont une allure de 15, 16, 17. Là, ça n'a pas de souci. En revanche, pour les relations sexuelles, est admis... un écart de 5 ans. Ouais. Alors, mais c'est un peu limite, là. 13 ans, c'est chaud quand même. Donc, je pense que non, légalement, ça peut être considéré. Bon, après, il faut s'expliquer si c'est une vraie histoire d'amour avec le mec et pas un pipoteur, et que des 18, on passe par 25 ou à 30, c'est autre chose. On fait quand même bien attention. Hein. Ouais, ouais. Que ce soit dit. Après, voilà, je pense qu'il faut faire attention dans ce genre de situation parce qu'on peut croiser des mecs comme Clément, par exemple. Ouais. Ah oui, Clément qui a 16 ans, qui nous appelle de Strasbourg. Bonsoir Clément. Salut Clément. Salut Carré, salut Doc, salut Alice. Salut. Ah bah il nous écoute sur funradio.fr lui. Bien sûr. Bah oui, on n'a pas, de... pas d'émetteur. On n'a pas de fréquence. Ah non, ça craint à côté des Allemands, ils ne nous aiment pas. Donc... Ah bon? Non, moi je préfère regarder le live vidéo, c'est mieux, tu vois, tu vis vraiment Fun Radio, quoi. D'accord. Et j'ai remarqué que tu disais bonjour à Alice d'une manière un petit peu différente. Parce que je suis une fille. Non, c'est parce qu'à sa tête, je vois qu'elle est un peu comme moi, tu vois. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est un peu comme moi. Enfin, je pense pas qu'elle bouffe. Je goûte le sperme. Il met pas le sien. Voilà. Enfin, oui, peut-être, mais c'est pas le sien. Ok, je sais Clément, pas comment Clément, le prendre. Clément, tu nous appelles ce soir pourquoi? Explique. Alors moi, en fait, je vous appelle parce que j'ai une fois en masturbant, je me suis dit. C'est bizarre, enfin, tu vois, je me demandais quel goût avait le sperme. Ouais, bien sûr. Et du coup, je m'en suis mis sur un doigt et j'ai goûté. Ah bah oui, tiens. Ça, c'est dégueulasse. Et j'ai trouvé que ça avait un goût, tu vois, genre sucré, enfin, un peu comme le litchi, quoi. Oui, il y a du fructose, oui, il y a du fructose, oui. Ah, il y a du sucre à l'intérieur. Ouais, bien sûr. Ah, c'est bon pour la santé? Bah non, c'est l'élément énergétique pour les spermatozoïdes, parce que il faut quand même qu'ils vivent 3 jours, les spermatozoïdes, faut qu'ils bouffent, faut qu'ils soient nourris, tu vois. D'accord, tiens. Donc tous les petits spermatozoïdes se nourrissent du sperme. Oui, parce que pour faire leur travail, pour qu'on ait un vainqueur quelquefois, c'est incroyable. Pour beaucoup d'énergie. Voilà. Et oui, et donc du coup toi Clément, tu manges tes spermatozoïdes. Bah ouais, voilà, enfin tu vois, mais bon, je le garde un peu pour moi parce que j'ose pas en parler à mes potes ni à ma meuf, tu vois, parce que j'ai l'impression d'être un peu dans un délire mais solo, tu le fais, quoi. Tu le fais tout le temps? Non, pas tout le temps, mais ça me enfin régulièrement quoi. Mais alors tu fais après ce que tu veux hein. Ça, moi, je trouve ça c'est dégueulasse. Ton sperme, tu fais ce que tu veux hein. Je trouve ça dégueulasse, mais bon, il y a des filles qui aiment bien ça, des non, mecs attends, aussi. Hein. Un mec qui se masturbe, je vois pas où est le problème. C'est ton problème. Ouais, mais c'est normal de, enfin, je sais pas, de goûter son sperme comme ça et d'aimer ça. Pas top. Pas vraiment. Je sais pas. C'est hors du commun, dirons-nous. Ah ouais, non. Tu te fais pas une petite salade. Il y en a bien qui bouffent leur crotte de nez. Ah oh, putain, ils sont déconnés quoi. Ça y est. Bah, c'est bon les crottes de nez. Ah, là, ah, tu vois, toi, t'as tous les vices. Ah, en fait, non, mais ils bouffent ses sécrétions. D'accord. Est-ce que Clément, il mange son caca de temps en temps? Non. Ah bon, bah, voilà, tu as quand même des limites. Hein, Clément? Bon, oui, en tout cas, oui, quand même. T'es pas très grave, Doc. Attends, sois respectueux. Tu veux dire quoi par là? Fais gaffe. Fais attention à ta gueule, Clément. Attention. Et tu. Non, mais. Clément, y a pas de souci. Tu peux manger ton sperme, c'est juste dégueulasse. Enfin, je sais pas. Hein, mais moi, je trouve. Mais non, mais attends, je vais vous dire. Vous faites ce que vous voulez dans votre coin. Tu te fasses, tu bouffes ton sperme, c'est ton problème. C'est pas, ça ne gêne personne, ça ne fait de mal à personne, tu n'agresses personne, tu manques de respect à personne. Voilà, t'es pas obligé de le publier sur Facebook non plus. Je suis le bouffeur de sperme, non. Ou de donner ton sperme comme si ça, qui veut bien le goûter. Si hein. Tu dis ça, il y a des monsieur plus âgés qui vont te proposer de goûter le leur aussi. C'est ça. Non, c'est gore. Bah oui, non, mais Clément, ce sont des avertissements. D'accord, ouais. Mais t'inquiète pas, tu peux te faire une petite farandole de plaisir avec tes spermatozoïdes. Salut mon Clément. Salut Karine. Salut à toi. Il est très bizarre quand même, Clément. Hein, non, mais oh, c'est pas dramatique. Allez. On a Massa qui est avec nous, 28 ans de Biarritz. Bonsoir Massa. Salut Massa. Bonsoir toute l'équipe. Salut Massa. L'appel à l'aide avec toi, Massa. Raconte-nous qu'est-ce qui va se passer, toi. Ben, j'aurais besoin d'aide parce que je me suis fait escroquer par un propriétaire à Besançon, en fait. Oh, carrément, quoi. Ouais. Ah ouais, ouais. Donc là, on va. Un franc-comtois? Comment? Un vrai franc-comtois? Je sais pas du tout. Ah, ça devait pas être un vrai. On va t'aider, parce que Doc, il est de Franche-Comté, c'est pour ça qu'il dit ça. On va t'aider dans un instant. Grosse escroquerie, mais juste avant, voici Sound of Legend avec Blue sur Fun Radio. Sound of Legend Blue sur Fun Radio. Please help me. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. On accueille Massa ce soir sur Fun Radio. Massa, 28 ans de Biarritz. Bonsoir Massa. Bonsoir. Salut à toi Massa. C'est l'appel à l'aide dans Love in Fun. Tu sais qu'ici tu peux nous demander de l'aide. On va essayer de t'aider. Là c'est une situation qui est un petit peu particulière. Vas-y, raconte. Voilà, exactement. Vas-y. Dis-nous tout. Comment vous expliquer? Moi, à la base, je fais les saisons avec mon meilleur pote. Ouais. Voilà, on fait les saisons, c'est ce qui rapporte le plus, on va dire. C'est quoi? Dans quel métier? Dans la restauration. D'accord, moi, je suis barman et serveur. Ok, d'accord. Très bien. Ok, vas-y. Et on a voulu venir du côté de Besançon et tout ça. Donc, on a recherché sur un site internet. Je sais pas si on peut le dire, donc je sais pas. Non, peu importe. J'ai recherché sur un site internet pour un logement. Ouais. J'ai appelé, on est resté en contact avec le propriétaire une semaine, pour établir quand même un minimum de confiance. Le propriétaire m'a demandé en fait de lui envoyer de l'argent par rapport, le bail en fait. D'accord. Pour réserver combien? 600 euros. Ouais, quand même, oui. Ouais. Tu lui as envoyé 600 euros et après? Et après il m'a redemandé en fait 600 euros pour le loyer pour comme quoi que, il me gardait l'appartement. Ah, vous avez payé? Je suis bien rentré dans les lieux. Comment? T'as tout payé? Ouais, j'ai tout payé, ouais. Et après? Et après, je suis arrivé sur Besançon avec mon pote et pas d'appartement. Ah bah Le mec, il décrochait pas. Enfin voilà. Ah, bah tu t'es fait arnaquer. T'as envoyé un chèque ou pas? Comment? T'avais envoyé un chèque? Non, mandat cash directement. Ah, liquide. Putain, tu t'es fait enfler gravement. Hein. Oui. Ouais. Et en plus, là, je me retrouve dans la forêt. C'est super, quoi. Quoi sous une tente. Je me retrouve en pleine forêt. Ah ouais. Forêt. T'as le numéro de ce mec par hasard? Putain, j'ai le numéro, de ce mec, mais la ligne, elle est plus active en fait. Bon, Guillaume a essayé de l'appeler en antenne, ça marche pas en fait. Non mais écoute, qu'est-ce qu'on te dit? Il faut déposer plainte quand même, parce que t'es peut-être pas le seul. Oui. On peut peut-être le retrouver, mais c'est clair, ça pue l'arnaque. Bah, ouais. Je vais dire simplement, pour tous ceux qui écoutent quand même, vraiment, allez, faites pas ça. N'allez pas donner du liquide à un mec que vous ne connaissez pas, et un appartement que vous n'avez pas visité. Ça ne se fait pas, ça. Faut faire un chèque, quoi, déjà, avec un chèque. Non, mais attends, t'as quelqu'un sur place qui va pour toi et qui voit la personne physiquement, il te file un contrat en bonne et due forme. Enfin, là, t'as été un peu naïf, mon grand. Ouais, je sais, mais moi, d'habitude, je fais toujours ça comme ça et c'est la première fois, en fait, qu'on... Ben voilà, mais il suffit d'une fois, tu vois. Comment? Il suffit d'une fois, hein. Ouais, il suffit en fait que tu tombes sur un con, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Un salaud, surtout. Ouais, un salaud qui veut... Un con, un salaud. Ouais, c'est les deux, hein. Il est con et salaud en même temps. Ouais. Non mais voilà, et après, quand tu tombes sur des gens comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça la question que tu poses. Attends, comment tu l'avais contacté? Oui, bien sûr, ça faut porter plainte. Comment tu l'avais contacté? Je l'ai contacté par téléphone, en fait, directement. Mais comment t'as trouvé son téléphone? Justement sur le site de l'annonce. Mais c'est quoi ce site alors? Vas-y. C'est Le Bon Coin. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non mais c'est vrai. Ah oui, mais alors là, il y a des choses très bien sur Le Bon Coin. Non mais attends, mais c'est pas. Je dis pas le contraire. T'as aucune garantie, mais il faut que tu le signales au Bon Coin. Tu écris au Bon Coin vite fait, tu dis voilà. Un frigo toujours sur Le Bon Coin. Sûr. Ouais, alors attention, c'est une arnaque. Hein. S'il me vend un truc, attendez-vous. Non, mais sérieux. Attends, tu les as pas contactés au Bon Coin? Non, j'ai pas contacté. J'ai envoyé un mail, mais j'ai pas de réponse. J'attends déjà d'avoir une connexion internet et un toit au-dessus de ma tête. Ah, c'est que Massa, la télé en galère. D'accord, écoute Massa, je comprends très bien, mais tu déposes plainte aussi. D'accord, ok. Faut déposer plainte, et est-ce qu'on peut pas te sortir un petit peu de la galère, là, Massa? Tu nous dis que t'es dans une forêt, dans une tente, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Où ça, à Biarritz? À côté de Belfort? Non, pas loin de Belfort, Belfort, justement. Je croyais que t'étais à Besançon, non? Vu qu'on trouvait rien à Besançon, sans plus d'argent, on est descendu sur Belfort. À Belfort. Oui, donc si quelqu'un habite Besançon et peut éventuellement... tu peux mettre combien pour la location? Pas grand-chose, du coup? Ah bah, il peut plus rien mettre. Du coup, je suis obligé d'attendre de recevoir... ton salaire. C'est mon père qui va m'envoyer un petit chèque, là, pour justement d'accord. m'aider par rapport à voilà, ça. Voilà, donc éventuellement, si quelqu'un habite Besançon et veut te faire confiance pour te louer une chambre, un toit... Carrément, tu feras le... Voilà. Parce qu'en plus, c'est pas très cher à Besançon, quand même. Hein? Donc ça doit jouer, ça. Du coup, même sur Belfort, s'il y a... Okay. Belfort-Besançon. Bon, Belfort-Besançon, la France entière. Allez-y. Non, enfin, même la campagne environnante, ça doit pas être cher. C'est ça. 01 42 48 5000, on a Anthony qui nous appelle pour réagir. 23 ans, Montpellier 1. Salut, Anthony. Salut. Salut. Salut à toi, Anthony. Tu voulais... Ouais. C'est marrant parce que du coup, il m'est arrivé la même chose cette semaine. Je suis journaliste à Montpellier. Attends, là, tu vois, ton appareil ne fonctionne pas. Ah bon? Et là? Là, il faut que tu ne bouges pas, et parce que tu bouges. T'es en haut-parleur, mon pote. Voilà. Enlève le haut-parleur. Pas du tout. D'accord. C'est le nouvel iPhone 7. Voilà. Coup de gueule. Coup de gueule, Doc. Je me permets. Coup de gueule. iPhone 6, iPhone 7, téléphone de merde à la radio. Non, mais c'est vrai. À chaque fois qu'on a. Vous déboursez 1000 boules pour un truc qui ne fonctionne pas quand vous nous appelez. Et on a suffisamment d'auditeurs tous les soirs pour savoir. Je te jure, l'iPhone 6, l'iPhone 7. Tu préfères l'autre marque? Bah, je sais pas. SS. Moi, avec mon Samsung, je passe nickel. En fait, je vais vous dire, il a cassé, il en veut un gratos. Donc. Attends, écoute, c'est la guerre pour Anthony. Anthony qui vient de dire n'importe quoi. Pourquoi? T'es un Apple addict? Complètement, ouais. D'accord. Complètement. Donc, là, d'un seul coup, on t'entend bien. Ah, tu vois, quand donc, tu fais un effort. Hein, vu, il suffit de le titiller, celui qui possède l'iPhone, et après. D'un seul coup, il se sent. Exactement. Non, alors, à chaque fois qu'on me dit comment t'entends, c'est que je le tiens de la main gauche. Et dès que je passe la main droite, Pourquoi tu prends la main gauche? Tu le sais. Ok. Alors maintenant, s'il faut avoir une main spéciale pour son téléphone, voilà. Quelle arnaque? Non, c'est vrai, c'est l'histoire. T'as vécu quelle arnaque? Le fonctionnement du micro. Vas-y, Anthony, on s'en fout. Vas-y, prends ton arnaque. Non, mais le téléphone, on s'en fout. Allez, vas-y, raconte-nous ton histoire. Ce que je disais, depuis le 1er septembre, je suis employé à Montpellier pour une agence de presse. Et en gros, du coup, il a fallu trouver en panique un appartement. En plus, c'est une ville étudiante et tout, donc c'est un peu la misère. Et là, c'est pareil. Du coup, là, en attendant, c'est hébergé chez un pote. Et là, lundi, j'avais un rendez-vous avec un gars, il me demandait, en fait par téléphone, il m'a dit vous m'envoyez tant d'euros et à partir de ce moment-là, je vous avais l'appartement, je vous réserve, je vous fais un prix, etc. Et du coup, en fait, vu qu'on a un réseau avec la police et tout, je l'ai balancé aux flics. Et en fait, du coup, c'est les flics qui sont allés à ma place et j'ai appris qu'aujourd'hui, le mec a été. C'est vers Paris, du coup, qu'il a été arrêté. Parce qu'après, c'est tout un réseau, quoi. Et bien sûr. Sur le bon coin, pareil, sur le bon coin. Bah là, t'as bien joué le coup, là, pour le coup, vraiment. Ouais. C'est bien. Ouais, mais faut voir les apports, quand même, avant de donner quoi que ce soit. Il y en a d'autres qui se sont fait arnaquer, hein, comme justement Massa. Hein. Et on a une bonne nouvelle, peut-être, Massa, pour toi, Corentin, qui est avec nous. Bonsoir, Corentin. Salut, Corentin. Salut, Karel, salut, Doc, ça va? Salut, Corentin. Alors, Corentin, c'est un animateur, je crois. C'est l'animateur. Exactement, C'est toi l'animateur de Fun Radio Belfort. Exactement, c'est ça. Cool. Putain, ça va, Corentin? Bah écoute, ça va bien et vous? Bah, je le connais, c'est un mec cool, vraiment. Alors, quelle est ta bonne nouvelle? Il va offrir sa meuf, sa maison, tu vois, c'est la totale. C'est l'esprit Fun Radio, tu vois, c'est une famille. Voilà. Juste la maison, famille. Ça va. j'étais dans le studio, j'ai entendu du coup, s'il y a besoin, moi je suis sur Belfort, s'il a besoin d'aide ou si, Bah oui, il a besoin d'aide, oui. Ouais. L'hébergement, il n'y a pas de problème. Il est en pleine forêt sous la tente, donc il faut vraiment l'héberger. Ouais. Non, mais il n'y a pas de problème. D'accord. Ouais, tu peux t'appeler alors? Ouais. Mais bien sûr. Ah, c'est super cool ça, Corentin. Pas de problème, normal. Qu'est-ce que tu dis, Massa? Vous me faites hyper plaisir et vous êtes une équipe en or, vraiment. C'est cool. Fun Radio. Hein. Et tu pourras faire un petit peu de radio sur Fun Radio Belfort. Voilà. Avec grand plaisir. Hein, parce que Corentin, c'est un bon animateur, donc il va raconter toute l'histoire demain sur Fun Radio. Ouais. Mais si un jour je passe sur votre radio, que je suis derrière un micro, je vous ferai une petite impro, mais. Attends, vas-y, fais-la, Massa. Nous, on est à la cool. Hein. Tu veux nous faire une petite impro? Ouais. Je sais pas, vous pouvez me balancer un petit son, je sais pas, un truc Raga Dancehall ou quoi? Ouais, Raga Dancehall. Ouais, t'en demandes beaucoup à Godefroy à l'arrière. Là. Déjà, il avait pas trouvé, il faut que je trouve ça. Déjà, il avait trouvé un son. Alors, si en plus. Allez, c'est parti. Non, mais. Okay. On va te mettre un son comme ça, à l'ancienne, d'accord? Un petit instru. Vas-y, c'est bon, vas-y. C'est bon, ça y est. Et plus fort. Allez, Massa. Ouais. Attends. Coupe. Je gère. Faut juste que j'entends rien pour l'instant. Bon, allez. Ouais, non, pas ça. Non, ça, je veux pas. Ça. Allez, vas-y, mon pote. Ouais. Yo, 974 soldats, ça vient du 974 pour aller jusqu'au 64, chaud, dédicace pour Fun Radio. Ouais, gros. Yo. Et alors? Ah ouais j'entends rien du tout, les gars. Mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte et c'était très bien, on t'applaudit. Bravo. Merci. Hey, mais on va te laisser, on va te donner le numéro de Corentin. Bah bien sûr, qu'est-ce que t'en penses, Jules? Merci, Jules. Massa, on va te repasser Corentin en antenne pour voir avec lui, d'accord? Il n'y a pas de souci, je peux faire une petite dédicace? Vas-y, Massa. Ok, la seule dédicace que je veux faire, c'est pour Fun Radio. Fun Radio Family, vous tuez tout et merci beaucoup. Merci Massa, merci beaucoup. Ça touche. Un énorme bisou à vous tous. Salut Massa, tu reviens quand tu veux. Un grand merci aussi à Anthony qui a réagi et qui a échappé à l'arnaque. Et Corentin qui ont fait un gros bisou que vous retrouvez tous les jours sur Fun Radio Belfort. Salut Corentin. Salut, ciao. Salut, poteau. Et le chiffre d'Alice, dans un instant, de quoi on va parler ce soir, Alice? On va parler des gens qui fouillent dans le téléphone de leur mec ou de leur copine. Tout les le monde, fouillasses. Quoi. Tout le ah monde. Ouais, ouais, ah. Non, bien sûr. Oh, oui. Tout le monde ne l'avoue pas. Hein. Ah ouais, non, mais là, je connais l'œil taquin d'Idoc. Si Doc dit tout le monde, c'est qu'il le fait. Allez, tu le fais toi aussi. t'as déjà maté. Ah, grillé. On a tous maté. Mais je suis autorisé. Non mais, ah ouais, d'accord, ok. En plus, t'as l'autorisation. Donc elle a tout supprimé avant. Ah ouais, c'est ça, ouais. Non, mais elle n'a rien à supprimer. Si vous matez c'est le téléphone clean, de, très clean. De votre mec, de votre nana, est-ce qu'il y a déjà eu justement des grosses découvertes? Venez nous raconter. En attendant, c'est Maître Gims, ma beauté, sur Fun Radio. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre fantôme. Face à moi-même, je pleure comme un mort. Je me sens délaissé, ouais. Je l'ai bien mérité, ouais. Ma beauté ne t'en va pas, beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas, ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi c'est une évidence. Je sais ce n'est pas gagné d'avance. Mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose-toi, ma beauté repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. Il a tout déchiré tout à l'heure avec JB. Il est un invité de Fun Radio. Les photos bien sûr sur funradio.fr. C'était Maître Gims, ma beauté sur Fun Radio. Love in Fun, 20h-22h, avec Doc, Karel et Alice, sur Fun Radio. Et merci d'être avec nous tous les soirs sur Fun Radio. Love in Fun, 01-42-48-5000. On va accueillir Sabri qui est avec nous, il a 16 ans. Il nous appelle de Bretagne, c'est Quimper au téléphone. Bonsoir Sabri. Salut Sabri. Salut l'équipe. Salut. Salut à toi Sabri, qu'est-ce qui t'amène dans Love in Fun toi? Je viens ici, c'est pour... en fait, c'est que j'ai des grandes difficultés à l'école. D'accord, oui. Et en fait, ça ne touche pas que l'école, ça touche aussi quand je sors, quand je suis avec des amis, tout le temps en fait. Et c'est vraiment, ça me fait déprimer. C'est quoi tes problèmes? Les problèmes en fait, c'est que je suis dyslexique, hyperactif, dyscalculie et tout plein d'autres choses. D'accord, dyslexique, Doc, tu peux expliquer? Donc c'est au niveau de l'apprentissage du langage, on est d'accord, c'est ça? Mm-hmm. Oui. Au niveau de l'écriture. Exact. Ok, donc tu as des difficultés en orthographe. Dans exact. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier? En fait, ce que je voulais faire, c'était... Je voulais faire un gros métier. C'était psychiatre, mais le problème, c'est que... Comment? Psychiatre. Ah là, je te dis tout de suite, tu vas pas y arriver. Pourquoi, Doc? Ça, je sais. Parce qu'il a pas le... Il faut être bon en mathématiques. Pour être psychiatre, il faut être bon en maths? Non, il faut passer médecine. Un psychiatre, c'est pas le mec qui t'écoute dans le canapé, là? Si, mais il faut être. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est là, il fait pas des additions, le gars. Psychiatre, il faut faire des. Il faut passer médecine. Donc le numerus clausus est très sévère. Et comment? Le numerus clausus? Oui, c'est-à-dire, on en prend un certain nombre. C'est-à-dire, c'est pas en fonction des examens réussis, mais on va décider qu'on en prend tant. Et même si tu as de bonnes notes, si tu es en dessous du quota prévu à l'avance, on ne te prend pas. D'accord. En revanche, tu peux faire de la psychologie. Ouais. Bon, ça c'est pourquoi pas, hein, faut voir. Moi je ne sais pas, j'ai pas l'état de ton bilan neuropsychologique. Oui, fait un bilan neuropsychologique ou pas, non? Dit comme ça, je ne vois pas du tout c'est quoi. D'accord, non. Ben, pour voir effectivement là où tu avais des difficultés dans tes acquisitions, t'en as déjà pas mal en lu. En fait, c'est que les profs ils savent plus quoi faire en fait avec moi. Dans quelle classe? Je suis en CAP, je suis allé à l'échelle et même eux ils ne savent pas quoi faire. CAP quoi? CAP vente, je pourrais être sûr que j'ai un diplôme. Tout ce que tu m'as dit, dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, tout ça, c'est compliqué. Et puis revoir, j'ai pas de solution miracle. Simplement, il faut que tu acceptes, que tu comprennes qu'il y a des choses que tu vas pas pouvoir apprendre en termes de métier. D'accord? D'accord. Moi, je voulais devenir président de la République, tu vois. À un moment donné, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas moyen. Juste un petit détail pour terminer. Lorsque tu es sur l'ordinateur, est-ce que c'est plus facile? En fait, les fautes d'orthographe suivent sur l'ordinateur. Mais ça, beaucoup de gens, mais est-ce que c'est... Non, mais j'ai pas ça. Est-ce que tu écris mieux? Est-ce que tu inverses moins les mots? Est-ce que tu... Non. J'inverse moins les mots, l'orthographe est réglée, mais il y en a toujours, quoi. D'accord, mais ça qu'il y en ait toujours, c'est possible. On peut se poser la question, est-ce que tout a été fait? C'est ça la question qu'il faut se poser, d'accord? Donc peut-être voir avec tes parents, c'est vrai, tu peux voir un neuropsychologue pour justement évaluer plus en détail tes capacités, ok? D'accord, donc c'est la neuropsychologie, c'est ça? Un bilan neuropsychologique, oui. Ok. Voilà. D'accord. Salut mon Sabri. Salut. Merci. Mais je t'en prie. Je t'en prie, salut. Oui. 01 42 48 5000, on est avec notre auditeur du soir, Damien, 14 ans de Pau. T'es là, Damien? Salut, ça va? Ça va, toi? Ça va, j'ai envoyé à Alice le lien de ma web radio. Ah, il veut faire de la pub ce soir. Damien, ouais. Damien, t'es un fidèle de l'émission? Ouais. Qu'est-ce qui se passe tous les soirs à 21h? Mais fallait pas demander. Comment on fait pour participer? Il faut appeler soit le 01 42 48 5000, ouais. Ou soit envoyer un mail à lovinfun@funradio.fr. Ou le hashtag lovinfun. Bravo Damien. Ouais, ou en fait, vous trouvez un moyen comme ça, il y en a plein. Hein. Et vous repartez toute la semaine là avec un jeu mortel, c'est No Man's Sky sur PlayStation 4. Donc on vous l'offre, 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone si vous voulez vous inscrire. On aura Léo, 14 ans de mots. Il est là, Léo. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut Léo. Salut. C'est toi qui vas le faire ce soir, Léo. Ouais, voilà, c'est moi. Tu vas appeler qui? Alors, je vais appeler mon père, en fait. Ouais. Et je vais lui demander, papa, comment on fait un bon cuny. Dans un instant, restez avec nous. On le fait en direct et on va écouter Major Lazer, Justin Bieber, Cold Water. On est de retour, là, tous ensemble sur Fun Radio dans 3 minutes. À tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Dans la radio. Ce matin, c'était ça. Tu veux qu'on fasse passer un message à ta maman qui s'appelle Sophie. Vous étiez ultra proche, mais depuis le mois de janvier de cette année, la relation s'est dégradée. Ma petite maman, je voudrais te dire que je t'aime très fort, voire énormément. Je voulais passer par Fun Radio parce que j'arrivais pas à te le dire en face et je t'aime, maman. Mais je t'aime, ma puce. Mais faut pas pleurer, ma puce, arrête. Vous m'avez fait pleurer, voilà, bah super. Oh, bah non, faut pas pleurer. Bruno dans la radio. Bruno. Reviens demain sur Fun Radio. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît.

Le chiffre d'Alice. Le chiffre d'Alice. Dans Loving Fun sur Fun Radio. Et merci d'être avec nous tous les soirs. Il y a un chiffre. C'est le chiffre d'Alice. Ce soir, on va parler de quoi ? On va parler des gens qui fouillent dans le téléphone de leur mec ou de leur copine parce qu'ils sont 25% à avouer le faire régulièrement. Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus qui l'ont déjà fait, mais 25% le font très régulièrement. Ah ouais, d'accord. Voilà. Régulièrement. Très régulièrement, voilà. C'est mais on peut plus maintenant avec les codes et tout. Bah écoute, on peut toujours. Hein. Ça dépend des téléphones. Samsung, t'es pas obligé de mettre un code, mais ouais, Apple, si. Ouais, donne-moi ton téléphone. Pas obligé. Puis même, des fois, tu vois la trace des doigts, tu vois, le code qui a été fait. Donne ton téléphone, je vais essayer d'ouvrir le téléphone d'Alice. Non, c'est un code comment ? Tu connais le code ? Non, vas-y. Non, mais je suis pas sûre d'avoir envie de faire ça, oh, en okay, fait. Ok, d'accord, bon, le laisse pas. En attendant, il y a énormément de réactions. Ça réagit énormément là-dessus, parce que tout le monde s'est déjà fait piquer son portable pour que le mec ou la nana mate les messages. On a Cynthia, 24 ans de Seine-et-Marne, et Doc nous expliquera pourquoi on fait ça. Ouais, bien sûr. Bonsoir Cynthia. Salut Cynthia. Salut ma chérie. Et est-ce que tu regardes dans le téléphone de ton mec ? Ah oui, moi très régulièrement. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Il peut même moi, pas te tromper. Pas... Moi, j'ai pas confiance. En fait, t'as pas confiance en lui ? J'ai confiance en lui. Si, ouais. J'ai confiance en lui, mais c'est aux meufs que j'ai pas confiance. Ouais. Les ex, ça revient aux mêmes. Et alors ? Oh, l'argument de merde. Tu penses qu'il pourrait céder facilement si une meuf lui chante une belle chanson ? Ah oh bah si son ex, oui, il y a possibilité. Donc t'as pas confiance en ton mec ? Bon alors, est-ce que tu as trouvé des éléments troublants ? Ouais. Bah oui, déjà on était séparés, après on s'est remis ensemble. Il m'a demandé de revenir, donc j'ai dit ok. Et après il recommence à être distant. Eh mais ça c'est des histoires de. Attends, distant et qu'est-ce que t'as vu sur son téléphone ? Bah son ex qui lui reparlait et carrément qui lui disait de ressortir avec elle alors qu'on commençait. Il l'a fait ou il l'a pas fait ? Mais il a été la voir quand elle pleurait quoi. Ah oui, d'accord. Consolé, oui. Mais moi j'ai l'impression que vous emmerdez souvent alors, avec des mecs toujours ou des nanas qui vous pourrissent la vie quoi. Dis-moi, est-ce que depuis t'es toujours avec lui ? Oui, j'ai un enfant avec. Et tu continues à espionner son téléphone ? Oui, régulièrement il y a des filles qui lui envoient des messages sur Messenger comme quoi qu'elles le trouvent beau, qu'elles aimeraient bien apprendre à le connaître. Donc il te trompe alors ? Comment ? Il te trompe ? Non, et puis il peut pas de toute manière. Je suis quelqu'un de très possessif. D'accord. Okay. Non, mais attends, parce que j'ai l'impression que ta vie tourne autour de ça. T'es très possessif, c'est-à-dire que tu le laisses pas respirer, tu l'appelles tout le temps. Bah si, je laisse respirer et je lui demande juste de m'envoyer des fois des SMS ou genre midi, il m'appelle quoi, pour être rassuré. Mais c'est pas parce que tu l'aimes, c'est pas pour partager des bons moments avec lui. C'est simplement pour l'espionner, pour le pister et pour l'empêcher d'une certaine façon d'exister. Et c'est ça. Non, mais attends, forcément. Bien sûr que si. Ah, parce que si c'était que de l'amour, tu dirais envoie-moi un SMS pour vous dire que tu m'aimes. Mais là, tu lui demandes d'envoyer un SMS pour être sûr qu'il ne soit pas avec une autre. Tu dois être insupportable. Non, mais c'est vrai. Non, j'ai un fort caractère, j'aime bien défendre. Non, mais tu te caches derrière un fort caractère, peut-être, non, mais c'est pas ça. Il y a deux choses qui ne vont pas, c'est que tu n'as pas confiance en toi et que donc tu es persuadé qu'il y a une fille qui va te le piquer. Eh oui. C'est exactement ça aussi. Ah oui, et c'est pas surtout, comme ça que c'est comme ça qu'elle va te le piquer d'ailleurs. Parce que tu manques de confiance. Du coup, je vais simplement mettre cet accent-là. Dans ta relation, bien évidemment, cela se traduit dans ton comportement. Il te perçoit comme ça. Ça amuse les gens au début. Ça les lasse vite. Voilà. C'est le meilleur moyen en fait de faire fuir ton mec. Ce qui fait la solidité d'un couple. Ah oui. C'est le plaisir d'être ensemble. Mais avec Katoche, toi, t'es super content, Doc. C'est pas trop ça non plus. Tu vois, c'est là qu'il faut commencer à réfléchir. Parce qu'après, tu te réveilles, il s'est déjà barré avec une autre, forcément. Ou vice-versa, je sais pas. On te l'aura dit, en tout cas, Cynthia. Réfléchis bien à ça. Gwen aussi est avec nous. 24 ans de Saint-Malo. Et ce qu'on vous dit, franchement, c'est des années d'expérience qui parlent, quoi. Écoutez-nous, bordel. Bonsoir, Gwen. Ouais. Bonsoir, Gwen. Salut. Ça va, Gwen ? Ça va. Bon, est-ce que tu m'as dans le téléphone de ta meuf, toi ? Alors, non, du tout, c'est l'inverse. Ah d'accord, okay. C'est elle qui m'a dans le tien. T'as grillé ta meuf ? Ouais. Mais je le sais, en fait, et moi, personnellement, voilà, ça me gêne pas, parce que je sais que j'ai rien à me reprocher, donc si elle veut regarder, elle regarde. D'accord, mais est-ce qu'elle te piste souvent, pour vérifier que tu es bien dans les clous ? Bah ouais, ça lui arrive. Ça te plaît ? Je sais que des fois, la nuit, ça lui arrive de prendre mon téléphone et de regarder, mais... Et ça, non mais attends, est-ce que ça te fait plaisir quelque part ? Putain mais mets des photos de meuf à poil et tout, ça va être drôle. Est-ce que ça te fait plaisir ? Piège là. Parce que, mais non, elle tient pas, c'est pas tenir à quelqu'un de faire ça. Pourquoi on fait ça, Doc ? On fait ça pour se rassurer, parce qu'on est jaloux, parce qu'on a peur que l'autre se barre. Alors en même temps, au début, ça peut arriver que tu connais pas la personne. Mais à un moment donné, il faut rentrer progressivement dans une vraie relation de confiance et cultiver la qualité de la relation. Parce que ça, on n'en parle pas. Mais ce qui fait que les mecs se barrent ou les filles se barrent, c'est qu'ils s'emmerdent dans leur relation, qu'il n'y a plus aucun plaisir. Ça, c'est vrai. Alors, quand c'est comme ça, il faut lutter contre cette morosité du couple. Tu vis avec la personne, mais tu l'aimes presque plus, quoi. C'est bizarre. C'est simplement... Donc, la jalousie n'a jamais rien apporté. Ce qui apporte au couple, c'est effectivement cultiver le plaisir à être ensemble, se faire des bons petits repas, des sorties, discuter, avoir des sujets communs, enfin, des choses comme ça, quoi. Alice, tu regardes tout le téléphone de ton mec, un peu, hein? Non, mais lui, il l'a déjà regardé. Ah ouais? Moi, je suis plutôt... Il a pas compris, ouais, qu'il a, qu'est-ce qu'il a trouvé? Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Bah écoute, rien, pas que je sache, ou alors, il me le dit pas, il attend que ça sorte, donc, j'en sais rien. Donc, il y a quelque chose à trouver. Ah, qu'est-ce qu'il a trouvé? Bah si, elle vient de dire, il le dit pas. Bah, ou alors, il le dit pas, dans le sens, peut-être, bah, tu sais, en même temps, c'est compliqué, je veux dire, même tu lis une conversation entre deux copine, un mec peut toujours trouver, même l'inverse, hein, une meuf peut toujours trouver un truc qui va le déranger. Voilà. Et puis elle vient de donner un tuyau à ceux qui veulent. Les mecs qui ont des meufs comme ça en plus, elles ont qu'à s'appeler des garçons, elles ont qu'à s'appeler Michel, et ça passera top alors. C'est ça que tu veux dire? Ah non, je disais pas ça, je dis dans le sens où même une personne qui est jalouse va pouvoir s'énerver, même en lisant... T'as vu comment elle marche? T'as vu comment elle marche? Non, mais même en lisant des messages entre potes, ça va les énerver. Juste, ouais, tu parles comme ça de moi, ou machin, enfin bref, moi je fouille pas. Sur ton téléphone, Vanessa peut s'appeler Roger. Donc, voilà, c'est ça. Hein, et pour le téléphone d'Alice, faut quand même savoir que Cassim régulièrement prend son téléphone et prend des photos de son sexe. C'est ça. Donc ça ne m'étonne pas que son mec soit à bout, quoi. Le gars, il comprend pas. Apparemment, il est content, il m'envoie des petits textos après. Ophélie est avec nous, 21 ans de Nantes. Bonsoir, Ophélie. Salut. Salut, Ophélie. Salut. Oh, toi, t'es une mateuse de téléphone. Non, pas du tout. Menteuse. Ouais. Si, je regarde souvent le téléphone. Ah, voilà. Et juste une petite question, parce que là, on parle des téléphones, mais tu vas aussi des fois sur sa messagerie Facebook? Tu vas aussi des fois sur ses mails? Ça va, parce qu'il a supprimé son Facebook, mais avant, ouais, je fouillais son Facebook. Il a supprimé son Facebook. Snapchat, t'as réussi à faire ça? Le mec, il a créé un nouveau Facebook, elle est pas au courant. Mais non! Non, il sait que je pèterai un câble. T'as une petite histoire par rapport à ça? Il t'a déjà grillé ou pas? Oui, il m'a grillé, puis de toute façon, je lui ai dit, mais bon, si, ça a été compliqué parce qu'il m'a trompé deux fois, il écrivait beaucoup, beaucoup de filles. Donc c'était assez difficile, et donc du coup, moi je sais que j'ai perdu confiance en moi, et dès que je sens que j'ai un doute ou quoi que ce soit, je regarde son téléphone. T'es avec lui alors? Toujours avec lui? Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui, oui. Non, mais il y a le problème. Essayez de comprendre pourquoi il t'a trompé. Ah bah ça, je sais pas, faudrait lui demander. Non mais attends, la responsabilité est de deux côtés. Il y a des gens qui passent leur vie effectivement. Oh, pas forcément. Si dans un couple, ça comme ça. Non, mais attends, je suis. Soi-disant, ça allait plus. Enfin, il savait pas. Oui, c'est voilà. Pas quelqu'un qui se posait avant. Oui, attends. Donc, c'est sa première relation longue. Et il m'a dit, pour moi, je savais pas si j'étais pour me poser ou pas. Et voilà, quoi. Mais bon, c'est une réponse bidon pour moi. Non, c'est pas une réponse bidon. Il faut la prendre en compte. Quelquefois, c'est ça. Et puis, ou simplement, on n'est plus bien dans le couple. Donc, du coup, les charmes extérieurs agissent beaucoup plus. Et c'est ça la bonne question qu'il faut se poser. Et qu'il faut s'imposer des deux côtés. Oui, c'est vrai. Et oui, au début, maintenant, ça va, ça a changé, heureusement, parce que... Ouais, il s'est peut-être fixé, et c'est bien, mais arriver à faire confiance à l'autre, c'est un ingrédient absolument nécessaire et vital pour la survie du couple. Et moi, j'ai pas du tout confiance. Moi, dans mon couple, j'ai une règle. Enfin, on a une règle. On ne regarde pas dans le téléphone de l'autre. Et pourtant, il y a un paquet de saloperies à mater. Ah mais vraiment, vraiment. Surtout chez toi, oui. Ah bah bien sûr. Bah, tu me connais bien. Je te vois vivre ici, quand même. Andrea, bon, je dirai pas tout ce que j'ai vu. Bref. Andrea, non, on dit pas trop d'œil. Bien sûr. Andrea, 19 ans de Nantes, ça m'étonnerait. Bonsoir, Andrea. Hey, c'est parce que petit malin. Bienvenue, Andrea. Bienvenue sur Fun Radio, Andrea. Alors, ma chérie. Parce que moi, j'ai une petite pastille dans la gorge parce que j'ai la gorge défoncée. Ma chérie, tu voulais réagir? Oui. Alors, On t'écoute. Moi, je ne fouille pas dans le téléphone de mon mec, mais dans celui de mon frère. Ah, d'accord. C'est marrant, ça. Ah, ça, c'est bien, ça. Mais pourquoi tu fouilles dans celui de ton frère? C'est marrant. Parce que je déteste les filles à qui il parle. Tu détestes les filles à qui il parle? Ah, t'es jalouse? Oui. Oh, je pensais que c'était pour le faire chanter, moi. Oui. Est-ce qu'il a le droit d'avoir une copine? Attends. Non. Non, pourquoi? Attends. Il a quel âge? Tu veux coucher avec? Non. Mais il a quel âge, ton frère? Non, il a 18 ans. Et toi, t'as quel âge? 19 ans. Et t'es un peu une emmerdeuse, quand même. Ouais, carrément. Non, mais attends, t'imagines, tu pourris la vie de ton frère. T'es jalouse ou quoi? Ah oui. C'est quoi le numéro de ton frère? On peut pas l'appeler. Aussi, on va l'appeler. Attends. On peut l'appeler. Attends, on va demander ce qu'il en pense. Alors, lui, il doit vivre un enfer parce que là, il n'y a aucune relation possible avec lui. Bien sûr. Non, mais c'est quoi cette sœur? Il s'appelle comment, Andrea? Pierre. Pierre, on peut l'appeler Pierre? Oui, pas de soucis. Voir ce qu'il en pense. J'ai deux, trois trucs à lui dire. Hein, je te dis direct. On va te repasser le standard 0140. L'empreinte digitale. Ouais, alors ça marche bien, il paraît. L'empreinte digitale. T'as quoi, toi, Doc, pour déverrouiller? J'avais l'empreinte digitale, mais c'était tellement chiant que j'ai arrêté. Ah oui, c'est ça aussi. C'est quand tu mets deux heures pour déverrouiller ton téléphone, t'en as un petit peu marre à un moment donné. Exactement, ouais. On va appeler ton frère Andrea. Je rappelle qu'Andrea, elle mate régulièrement le téléphone de son frangin. Pour lui empêcher d'avoir... Oui, vas-y. Pour l'empêcher d'avoir des relations. Ah, il a quel âge? 18 ans. Ouais. Allô, ouais. Salut. Ça va? Ah ouais, tu sais où t'es? Ouais, je suis sur Fun Radio, là. Bah voilà. T'en as pas marre qu'elle mate ton téléphone? Hein? Mais elle aime pas les filles avec qui je parle. Bah non. Elle veut pas que t'aies de petite copine. Bah non, elle veut pas, parce qu'elle a un copain, tu vois, mais... Elle a un copain, elle? Ça la saoule, tu vois. Attends. Elle a un copain? Ouais, elle a un copain, ouais. Mais elle veut pas que je sorte avec une fille. Mais c'est qui, cette fille? Andrea, t'es une vraie furie, toi. Andrea, c'est cruel là. C'est cruel. C'est ça. Tu es cruel là. Le oui. Contrôle de tout. Il a le droit d'avoir une copine, mais si elle me plaît. T'es la pire sœur de l'univers. T'aimes personne. Ouais, exact. D'accord. C'est la pire sœur que j'ai. Est-ce que t'as pas envie de lui dire un truc ce soir, quoi? Ouais, vas-y. Casse la glace là. Qu'il arrête de me casser les couilles avec mon portable, quoi. Bon, je te. Coder avec un code que tu ne lui donnes pas. Tu lui donnes au contraire un faux code. Ouais, mais j'ai déjà mon code perso, tu vois, mais elle connaît, du coup, bah, je sais pas quoi mettre. Bah, tu Pierre, changes. Pierre, ouais. mets un coup de pelle à ta sœur et fous-la dans la forêt. Débarrasse-toi de ta sœur. On en parle. Bon, c'est pour rigoler. Hein. Attends, elle a un petit copain. Ouais, elle a un petit copain. Ouais. Bah, t'as qu'à lui dire que tu l'aimes pas, le petit copain, qu'il doit y dégager. C'est pas mal, ouais. Mon frère, je l'adore. Ah ouais, écoute, tu fais aucun effort. J'ai l'impression que ça te plaît en fait, hein, Pierre. Mais non, mais elle veut pas, elle aime pas avec qui que je parle. Ça me saoule un peu, quoi. Donc on aura eu la pire sœur de l'univers avec nous. Andrea, on t'aime quand même. On te fait des gros bisous. Okay, change un peu, laisse-le respirer. Carrément. Ophélie. Ah, mais je suis vraiment sur téléphone en plus. Ah bon. On fait des gros bisous à Ophélie aussi, à Gwen, à Cynthia, à tout le monde. Dans un instant, le défi fallait pas demander de Léo. Léo toujours là? Ouais, toujours là. Salut Léo, 14 ans de mots. C'est ça. Et tu vas appeler ton père, tu vas lui demander quoi à ton papa là? Eh ben, je vais lui demander comment on fait un bon cuni. Voilà, dans un instant, vous restez bien avec nous. Un classique du défi, fallait pas demander, toujours aussi drôle. Et Major Lazer, Cold Water sur Fun Radio. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath. Shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. Justin Bieber, Major Lazer, Cole Water. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Avec plein de vidéos à mater sur la page YouTube de Love in Fun, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Là, on vient de vous mettre la vidéo d'un auditeur en fait qui a retrouvé une fille qu'il avait pécho en boîte. Il avait perdu de vue et tout. C'était ouf, ça, hein. Ah ouais, c'était une histoire de dingue et on a réussi à la retrouver. C'était cette semaine. C'est ça à cause d'un pote qui dégueulait partout. Ouais, c'est ça. Il avait été obligé de se casser et tout. Est-ce qu'il était bourré? Ouais. Il avait cassé le cou de son copain. Et on a fait un petit appel comme ça à la radio, et c'est une copine de la fille qui nous a appelé, et on a fini par appeler la fille. Bon, on vous laisse mater la vidéo. C'est sur la page YouTube de Love in Fun, ou directement sur le site de funfunradio.fr. En attendant, on va retrouver mon Léo, 14 ans de mots. Bonsoir Léo. Ouais, bonsoir. Salut. Ok, défi fallait pas demander avec toi Léo, t'es concentré, il y a un beau jeu vidéo à gagner. On offre No Man's Sky sur PlayStation 4. Pour ça, il va falloir que t'énerves la personne de ton choix. Qui tu as choisi, toi? Alors moi, en fait, j'ai choisi mon père. Et puis, donc je vais lui poser la question, papa, comment on fait un bon cuni? D'accord, et ben c'est parti. On va tout de suite savoir comment est-ce qu'on fait un bon cuni. On y va. Bon courage. Hein. Ouais, merci. Allez Léo, il faut du courage. Appelle Daniel. Dani, tu décroches? Allô? Allô, papa? Ouais. Ouais, papa, toi, Léo, je te dérange pas? C'est ouais, toi, c'est Léo? Moi, c'est moi. C'est moi. Tu rigoles ou quoi? T'es où, là? Je t'expliquerai. Je t'expliquerai, ça fait une heure qu'on t'attend pour manger. Tu fais quoi, là? Mais je sais, mais attends, je t'expliquerai, mais déjà, j'ai une question à te poser. Attends, non, mais attends, tu vas me poser ta question après. Ça fait une plombe qu'on t'attend pour manger. On va manger froid à cause de toi, t'es où là? Mais je t'ai prévenu, je rentrais un peu tard, c'est bon. T'as prévenu qui? Mais tu m'as pas prévenu moi. Ah bon, je suis pas au courant, c'est quoi cette histoire là? Et tu te rends compte, il est 9h. T'as école demain, attends. Je te signale. Je sais, mais attends, papa, écoute ma question, s'il te plaît. Bah tu fais chier Léo, tu devrais déjà être à la maison, on devrait manger là. Non mais écoute, en fait j'ai besoin de savoir comment on fait un cuni. Attends, t'es pas bien dans ta tête, là? C'est super important. Alors, t'es en retard. Tu rentres pas à la maison pour manger. Tu m'appelles pour me demander comment tu fais quoi? Un cuni? C'est quoi un cuni? Non, mais en fait, voilà, parce que moi, je suis chez mon plan cul, tu vois. Ton plan cul, c'est quoi un plan cul? Mais t'es pas bien, Léo, tu vas arrêter de déconner un petit peu, là. Tu vas t'empêcher de rentrer. Je sais très bien ce que c'est. Évidemment, je sais très bien ce que c'est. Tu crois que j'en ai pas fait des plans cul, moi? Mais c'est... Bah oui, mais putain, merde, il est 9h, t'as école demain matin. Le problème, c'est qu'il veut que je fasse un cuni, et moi, je sais pas du tout ce que c'est, en fait. Bon, arrête tes conneries, tu sais pas ce que c'est qu'un cuni. Ah non, je sais pas. Et puis, de toute façon, c'est pas la question. Tu devrais, on devrait même pas parler de ça au téléphone. Tu m'appelles en numéro privé, il est 9h. Allez, dépêche-toi. T'es pas rentré à la maison, et c'est... Mais, putain, dépêche-toi, merde. Je t'attends. Attends, oui, non mais attends, je suis avec mon père là, attends. Oui, papa, en fait, voilà, non mais j'ai grand... C'est qui t'attend? Je te l'ai dit, c'est mon plan cul. Et tu... Non mais, j'ai du mal à saisir un peu la question là. Je comprends pas. J'ai tué aussi. Aussi, j'avais peur en fait que... J'avais peur que mon plan cul, elle sente mauvais de la chatte. Et est-ce que maman, elle sent bon de la chatte? Ouais, elle sent mauvais de la chatte. Alors, est-ce que maman, elle sent bon de la chatte? Ah, tu sais pas ce que c'est qu'un cunilingus, t'as 14 ans, putain. Mais je sais pas, écoute, moi j'ai pas fait... T'as pas fait sciences naturelles à l'école, là, je sais pas quoi, SVT, là. Oui, mais c'est pas la première chose dont on nous parle aussi. Bah non, mais écoute, je sais pas, moi j'ai besoin de savoir. Sans déconner. Bon, écoute, moi je vais répondre à ta question, mais dans tu te démerdes, dans une demi-heure, je veux que tu sois à la maison. Bah vas-y, je t'écoute. Bon. Oh, c'est quand même incroyable ça. Elle écoute pas ta copine, hein? Non, elle est loin. Si elle écoute, elle a l'air con, je te le dis. Hein. Non, mais elle est loin, elle est loin. Dépêche-toi, Léo. Ah, mais c'est qui qu'on entend à côté, là? C'est mon ami. Elle s'appelle comment, ton ami? Elle s'appelle Vanessa, mais c'est, ça n'a pas d'importance. Vas-y, réponds à la question, s'il te plaît. Bon, tu diras à Vanessa que je vais t'expliquer. Dis-lui, je vais t'expliquer. Mais franchement, ça me saoule, là. Je comprends pas. Bref, un CUNY, tu... Je sais même pas comment t'expliquer ça de manière propre, parce que c'est pas dégueulasse. Je vais pas être choqué, c'est bon, je t'écoute. Écoute, il faut que tu lui fasses prendre du plaisir avec quelque chose d'intime qui est en toi, c'est-à-dire ta langue. Alors maintenant, tu y mets ta langue là où c'est le plus humide et le plus chaud. Voilà. Ah ouais. Enfin, en fait, en gros, faut que tu lèches la chatte. Bon, mais putain, Léo, je comprends pas là. Ça m'énerve de parler comme ça. Et du coup, maman, tu l'as fait jouir en cuny ou que quand tu la baises, en fait? T'es propre là dans ce que tu dis là. T'es conscient de ce que tu me demandes là? Bah écoute, c'est une vraie question, moi j'en ai besoin. Bah c'est une vraie question, t'en as besoin, mais on peut pas en parler entre nous plutôt que de téléphone, non, t'en es connu. Ouais, mais là je suis dans une situation, c'est un peu urgent, quoi. Tu es dans une situation urgente, bah tu m'étonnes que t'es urgente, t'as déjà mouillé ton slip ou quoi? Non mais sans déconner, ça me concerne que moi. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu fais avec ma fille, toi? Oh, c'est qui? Ouais, attends, Léo, c'est quand même pas, putain. Allô, monsieur. Ouais. Allô, qui êtes-vous? Bah, je suis le père de Léo. Bah, le petit Daniel. Du petit garçon, là, qui est avec ma fille? Le petit garçon, il a 14 ans. Bon, il fait 1m80. Mais pourquoi ma fille est toute nue? Comment? Mais pourquoi ma fille est toute nue? Pourquoi ma fille est quoi? Ma fille est toute nue, avec le petit Léo. Bah, j'en sais rien, moi. Il se démerde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Le morpion, il m'appelle le... Bon, Qu'est-ce que tu dis? Vous lui avez dit de faire un cunilingus à ma fille? Non, c'est pas ça. Non, mais attendez, ça va pas. J'ai rien demandé, papa, je te jure. Non, mais arrêtez vos conneries là. Oh, j'hallucine. Léo, passe-moi mon fils, s'il te plaît. Oh, je te passe pas ton fils. Oui, tu vas me passer mon fils, parce que ça commence à bien faire. C'est quoi ces conneries là? Bah, t'es en direct sur Fun Radio, mon pote. Oh, arrêtez vos conneries. Daniel, en direct sur Fun Radio. Léo. Ouais. Léo. Je veux parler à mon fils. Ah putain, il était magique. Radio, Léo, parle à ton père, dis-lui, explique-lui la situation. C'était une blague, c'est un jeu qui s'appelle Fallait pas demander sur Fun Radio et tout, l'émission que j'écoute le soir là. Et tu gagnes. T'es passé à la radio. Et t'es passé. Vous foutez de ma gueule. Ah ouais, non mais c'était mais magique, mais incroyable. Et franchement, Léo, t'es l'un des meilleurs mecs qui a fait le défi Fallait pas demander. Vraiment. Non, je crois même pas à ces conneries. No Man's Sky, c'est ce que tu gagnes. On va te mettre un jingle pour le papa là. Allez, c'est parti. Love You Fun. 20h-22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. Bonsoir Daniel, vous êtes en direct. Daniel, on vous fait une grosse bise, vous repartez avec le sourire, ça fait plaisir, on va vous envoyer un pack Love In Fun à vous aussi. Ouais mais bon, quand même le con Léo. Ah bah oui, tel père, tel fils. Ouais mais peu importe, le père, il a l'expérience. C'est un champion, franchement il a été génial. Et vous aussi d'ailleurs Daniel, on vous fait des gros bisous à tous les deux. Et dans un instant on sera avec Julia, vous restez bien avec nous. Julia qui est en couple avec un mec et ça la saoule, elle croit qu'elle est bisexuelle. Restez avec nous, on écoutera Kungs dans 3 minutes. Encore de la question pour toi, Sopra. Il y a Benoît à Angoulême qui est avec nous. Salut Ben. Ouais, salut Marion, salut Anso, salut Sopra. Vas-y mon pote. Oui, moi j'ai une question. J'ai vu que tu t'es fait à Angoulême et moi je suis magicien. Est-ce que ça serait possible de venir te voir et de venir te faire des tours de magie? Bien sûr, tant que tu me fais pas disparaître, il n'y a pas de problème. Ne bougez pas les copains, on débarque à 22h avec du rire, des cadeaux, du sand dance floor et une côte de bœuf parce que j'ai pas eu le temps de manger, j'ai un peu la dalle. Marion et Anso, 22h minuit. Night Show. Sur Fun Radio. Hier soir, j'ai rencontré Mathieu à un dîner mythique. Il est mignon, drôle, sexy. Bref, toutes les filles de la terrasse ont flashé sur Mathieu. Mais moi, j'ai craqué pour Vincent. Il est timide, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux dîners mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Vert émeraude. T'as voyagé dans le temps? Après rouge rubis et bleu saphir. Le monde est en train de plonger dans le chaos. Assistez au grand final de la saga Phénomène. Vert émeraude sur tous vos écrans DVD, Blu-ray et VOD. Et en ce moment, participez à la chasse aux émeraudes. Serez-vous l'un des 6 chanceux à découvrir une émeraude dans votre boîtier? Avec Fun Radio. Fun Radio présente Lumberjack. Samedi soir au Gotham Club à Lyon.

En même temps, c'est des gens, au sens humain, qui sont habitués à ça. Il ne faut pas non plus exagérer. Alors, il faut y arriver avec ce qu'on sait faire et ce en quoi on croit. Pourquoi on rougit? Ça, c'est pas grave, c'est pas un inconvénient. Ah si, t'as l'impression non, mais je crois que tout le monde le voit. Il faut quand même tout mettre de son côté et t'habiller correctement sans être forcément en costume trois pièces. Mm-hmm. Voilà, des choses aussi simples que ça. Et puis, c'est tout. Être poli. Non, mais je pense que la plupart du temps, les gens ne cherchent pas à ce qu'effectivement il y ait une performance, que les gens restent naturels eux-mêmes. Ouais. Et dire ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Il faut y aller en disant la patate, la pêche, quoi. J'ai envie, vraiment envie de faire ça. Bien sûr. Et un autre message de Mylène, bon courage pour retrouver ta voix, Karel, j'ai tellement déliré avec ton rire chelou tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez le repasser par hasard? Il n'y a pas de danger. Attends, remets-le. Il n'y a pas de danger. C'est un animal. Non mais c'est trop fort. On dirait un petit animal, vas-y remets-le. Il n'y a pas de danger. Ouais, je sais pas, un animal qui vit en Australie, je pense. Un petit koala. C'est ton rire aigu mais avec la version voix cassée en c'est fait. Ça. C'est ça, Julia est avec nous, bonsoir Julia. Bonsoir. Bonsoir Julia. Salut. T'as 17 ans, Julia, t'es à Paris, toi. Exactement. Tu viens de nous appeler là au standard 01 42 48 5000. Tu nous appelles pourquoi? Alors en fait, je suis en couple avec un garçon, mais je suis attirée par une fille de ma classe. Ok. Donc tu sais pas, finalement, c'était plutôt attirée par les mecs ou par les filles, ça? En fait, c'est assez compliqué. Donc l'année dernière, il y avait un garçon qui était assez amoureux de moi, donc lorsque j'étais en première. Ouais. Et il me l'avait dit, donc il était amoureux de moi pendant environ un an, mais j'avais pas accepté de sortir avec lui parce que j'avais pas forcément envie à ce moment-là. D'accord. Et j'ai accepté en fait il y a 2 semaines, donc ça fait 2 semaines qu'on est en couple. Et dans ma classe, il y a une nouvelle cette année qui s'appelle Emily. Elle est trop belle. Qui est, qui est super douce et qui est bisexuelle en fait. Et je me suis posé pendant environ 3 ans pas mal de questions à propos de ma bisexualité, etc. Et je pense que sa présence dans ma classe a vraiment confirmé ça. D'accord. Je suis super attirée par elle, mais bon. Commence par le début. Alors, d'accord, donc on va commencer par... non mais attends, dans le début, le petit copain, si t'es pas amoureuse de lui et si vraiment t'es pas heureuse avec lui, tu le gardes pas, tu es honnête avec lui, tu romps. Non, c'est pas ça, c'est que je suis vraiment attirée par lui et on s'entend super bien, on est ultra fusionnel. Quand je suis avec lui, j'ai plein de sujets de conversation, etc. D'accord, très bien. C'est... Comment? Je dis très bien. Ouais, c'est juste que niveau tactile, il est ultra timide et ça, c'est... Enfin, j'adore le contact, etc. Et lui, c'est pas du tout son cas. Et ouais, ça c'est... fait 2 semaines qu'on est ensemble et on s'est... Enfin, mais, je vais pas préciser les choses, mais... Julia, tu nous dis ça fait 2 semaines que vous êtes ensemble. Ben voilà, si il a besoin peut-être d'un petit peu plus de temps pour être à l'aise avec toi. Oui, je comprends, mais ça fait t'as un an que je suis amoureux de moi, j'ai 17 ans. 17 ans, à 17 ans, on a comme ça des hésitations quant à sa sexualité, c'est assez classique, et se définir, de se mettre une étiquette ne sert à rien. Voilà, mm-hmm. Si vraiment t'es attiré par les filles, tu vas le savoir de plus en plus, c'est une évidence. Non, mais je suis vraiment sûre d'être bi en fait, mais c'est juste que niveau physique, elle m'attire vraiment, je la trouve vraiment attirante et elle a un visage extrêmement intéressant, alors que lui, c'est plutôt le mental, je m'entends vraiment bien avec lui en fait. Comme un ami. Parce que justement, j'aimerais beaucoup avoir plus de contact avec lui, pouvoir l'embrasser. D'accord. Comme tout couple. Mais lui, il prend trop son temps. Et... il ne faut pas mélanger les dossiers, fais un seul dossier à la fois. Voilà comment je vois les choses, moi. Mm-hmm. C'est tout, parce que tu es avec un mec, tu ne sais pas si... Puis finalement, peut-être que tu veux partir avec la fille, mais tu ne sais pas si tu n'aimes pas le garçon. Ouais. Forcément, à force d'hésitation, tu vas finir par trouver la solution. C'est une évidence. Mais là, on ne peut pas te dire, fais ci ou fais ça. Ce n'est pas à nous, c'est à toi de décider. Damien, notre auditeur du soir, tu veux dire un truc, Damien? Ben ouais, moi je voulais dire, je sais pas, j'ai des sentiments en fait pour Karel. En fait, j'aime les meufs, mais j'aime aussi les mecs, donc du coup, en fait, j'ai un peu de sentiments pour Karel. Quoi? Non, mais t'as quel âge? Il y a 14 ans. Tu vas rester dans ta chambre, tranquille. Ça va rester dans tes fantasmes. Ça serait pas trop mal, Ça me touche, mais tu toucheras pas ma zigounette, Et aussi, je voulais te dire, Karel, que tu danses très bien, tu sias. Je quoi? Tu danses bien. Ah oui, il y a une petite vidéo qui a été piratée. Et sur Facebook. sur le Facebook de l'émission. Exactement. Je danse sur Sia. Julia, il a tout dit, Doc. On va pas choisir à ta place, ma chérie. Mais c'est les sentiments, c'est l'amour. Ces hésitations sont normales. Je veux vraiment pas faire de la peine à mon copain, en fait. Ça fait un an qu'il m'aime, et je peux pas le rompre comme ça. Oui, non. Faire de la peine, c'est tricher. Dans la vie, on vit tous des déceptions amoureuses. Le pire, c'est quand t'as été abusé. Attends, Doc, il y a ton micro qui est en train de décéder, je crois. On va changer ton micro parce que là, ça fait des bruits, des interférences. Vous pourriez mettre des micros corrects, non? Alors, si tu veux, Bande de macros. On va appeler la direction technique, tu vas venir top 1. Là, c'est mieux, là, non? Ah, ça a l'air. Bah ouais. Hein. Ouais, bon, tiens, poubelle, allez. Ah, allez, hop. Attends, il a mis la poubelle. Il jette le micro. T'as, c'est comme les stars, tu sais. Ah, je jette. J'en ai et Cassim bon. Ramasse. Ouais. Alors, tu disais quoi, Doc, par rapport à Julien? Non, non, il faut simplement être clair avec ce garçon. Et quand tu n'as plus de sentiments, la compassion, enfin, la pitié ne sert à rien. Ça, c'est sûr. Alors, c'est pire que ouais. tout. Mais ouais. Parce que là, c'est tout. Si tu n'as pas d'attirance pour lui, que finalement tu t'ennuies avec lui, que ça, c'est un bon copain, bah, tu lui dis, ça ne marche pas entre nous. Il va être triste et malheureux. On est toujours triste dans une rupture, mais mm-hmm. cette tristesse, elle est constructive. Parce que ça le préparera à une autre relation. Alors que là, il va s'user à se demander si tu l'aimes. Et il va être malheureux. Mm-hmm. Il va être plus malheureux que si tu lui dis que c'est terminé. Julia, ouais. réfléchis bien à tout ça. En tout cas, d'accord, merci cette petite beaucoup. Meuf dans ton bahut, là, elle a l'air très sympathique. Hein. Ouais, très, ouais. Bon, bah, on l'embrasse fort aussi. Peut-être merci qu'elle n'est pas homosexuelle du tout, elle. Si, si. Ah, bah si, elle lui a dit. Ah, elle oui, t'a okay. dit qu'elle était bi, hein. Ouais, oui, oui. Bon, bah voilà. Bon. Julia, réfléchis bien en tout cas à tout ce qu'on d'accord. t'a dit. On te fait merci des gros beaucoup. Bisous. Bonne soirée, bisous, bisous. Salut, Julia. Bisous, bisous. 01 42 48 58. Faites comme Julia. Hein. Vous voulez des petits conseils là comme ça. Nous, on est là pour vous aider tous les soirs sur Fun Radio. D'ailleurs, on a reçu un message, Alice. Hein. Exactement, un message de Céline. En fait, elle a dit à son mec qu'elle l'aimait pour la première fois et il lui a répondu merci. Ah putain, ah, on me l'a déjà fait, ça, c'est horrible. Donc voilà, du coup, on s'est un peu posé la question, quelles sont les pires réponses que vous avez eues ou données à un je t'aime? T'es un toi. Bon pote. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est, bien sûr. Ah, dites-nous. C'est mignon. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Quand quelqu'un vous a dit je t'aime, comment est-ce que vous avez réagi? Comment est-ce qu'une personne a déjà réagi avec vous? Venez tout nous raconter. 01 42 48 5000 et on va écouter Soprano en feu sur Fun Radio Love in Fun. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, fais une grande écart de Vanda. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, ramène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme mes trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Soprano, en feu sur Fun Radio. Love You Fun. 20h-22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. 01-42-48-5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler tous les soirs. On est avec Julie. Julie, 19 ans d'Orléans. Bonsoir Julie. Salut toute l'équipe. Salut, salut à toi Julie, on est très content de t'avoir sur l'antenne. Qu'est-ce qui t'amène sur Fun Radio ce soir? Bah voilà, c'est un problème un peu spécial. Enfin, ah, vas-y. En fait, il y a deux ans, j'ai perdu mon grand-père et un de mes amis à un mois d'écart. Donc comment dire que mon cœur, il a un peu explosé à ce moment-là. Ah oui. Et ça, la première année, elle s'est passée nickel au niveau du deuil. J'ai passé les étapes un peu à mon rythme. Oui. Voilà, il y a eu les larmes, il y a eu plein de choses, le moment où il a fallu dire adieu, etc. Et cette année, début de ce mois, j'ai commencé à faire des cauchemars, des gros cauchemars sur la mort, sur le temps qui passe. Comme quoi, je vais bientôt mourir, même si je vais avoir plus 20 ans au mois de janvier, mais. Ah oui. Je sais pas, c'est. D'accord. Mon pote est mort d'une crise cardiaque sous le royaume, donc ça m'a. Il avait quel âge, ton pote? Il venait d'avoir 40 ans. D'accord. D'accord. Putain, merde. C'était un sportif, bonne hygiène de vie. Ouais. Oui, mais parfois, tu as des malformations cardiaques ou des troubles du rythme latents qui ne sont pas détectés et qui peuvent comme ça arrive chez les sportifs. Régulièrement, il y a des sportifs de haut niveau qui s'écroulent pendant les épreuves. Donc ça peut effectivement arriver, mais c'est évidemment très traumatisant parce que c'est extrêmement brutal et non prévisible. Puis très très jeune quoi, 40 ans. Ouais. C'est... En plus, là j'ai bientôt quelqu'un, je sais qu'il va bientôt partir, parce qu'elle a la sclérose en plaques. À qui tu parles? Ma tata. Ta tante, elle a quel âge? Là, elle va avoir 41 ans. Elle a 41 ans, elle est très handicapée pour l'instant. Ouais, là elle est... Là, en pleine poussée, ça ne se passe pas, c'est ça? C'est ça. Le pronostic est très mauvais. Là, ça commence à faire. Il y a cette histoire actuelle qui, effectivement, te remue aussi, te ramène au deuil d'avant. Je voulais te poser une autre question. Dans la journée, tu es comment? Je suis bien. J'essaie de ne pas j'y pense pas, en fait, parce que je suis avec mes amis. Ils me changent les idées. Moi, ce que je note de positif chez toi, c'est que tu continues à bien fonctionner dans la journée, être bien avec tes amis, à rire, enfin voilà, à exister. Et t'es pas vraiment en dépression, donc c'est plutôt important. Mais c'est le deuil qui continue alors, Doc? Qui continue et qui va continuer, parce que visiblement avec sa tante qui va pas bien, voilà, ça fait une série d'agressions. C'est vrai que quand avec on perd des gens très jeunes, puisque ta tante a 41 ans, qui effectivement s'attend pas à ça, et avec le fait que tu dois la voir très handicapée, ce qui est évidemment troublant. Je sais pas comment faire. Est-ce que tu vas la voir, ta tante? De temps en temps, mais là, j'ose pas la voir, en fait. J'ai peur de garder l'image. Oui, mais voilà. Est-ce que tu poses la question, est-ce que tu imagines un instant que toi, tu peux lui apporter de la joie? Je sais pas, en fait. Elle sera contente de te voir. Je te dis que si les gens qui sont dans ces situations-là, bon, évidemment, ils le savent ou ils ne le savent pas, mais ne plus voir leurs proches, c'est encore plus douloureux pour eux. Il est important que tu ailles la voir. Je ne sais pas combien de temps elle va vivre, tu ne sais pas toi-même. Mais bon, voilà, le temps passé avec elle est un temps de bonheur aussi, et pour toi, pour l'avenir, parce que tu lui auras parlé, vous aurez échangé des choses. Voilà, il ne faut pas que tu te mettes dans la tête qu'elle va partir. Ouais. D'accord. Donc il faut que tu ailles la voir, ta tante. Surtout si elle compte pour toi, tu vois. Tu t'en voudras peut-être de ne pas l'avoir vue. Ouais, c'est dur. Mais non, mais attends, c'est tout. Alors, bon. Tu vas pas y aller pour la guérir, on est d'accord. Tu n'as pas ce pouvoir. Pas plus que les médecins l'ont, la preuve. Hein? Donc il faut accepter que dans ces phases particulièrement douloureuses, où il va peut-être vivre un jour, deux jours, deux ans, trois ans, j'en sais rien, parce que je connais pas son état. Ces minutes passées, ces dernières minutes sont essentielles. Et dans ces moments-là, on doit se dire que peu importe le temps, une heure passée ou encore 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, c'est pas tellement le temps passé que la qualité du moment passé. Ouais. Et ça, ce moment, tu dois te dire, peu importe, je vais lui apporter de la joie et du bonheur, je vais sourire, je vais lui dire que je l'aime. Et sache que tu la réconforteras énormément, et pour toi aussi, c'est important. Parce que tu auras le sentiment, cette fois, d'avoir apporté quelque chose. D'accord? D'accord. Donc, va voir ta tante. Ouais, tu te dépêches. Et vas-y avec un petit cadeau. Vas-y avec un petit cadeau. Ouais, je vais lui apporter des chocolats, je sais qu'elle aime les chocolats. Voilà, donc... ouais, faut y aller avec un petit cadeau, faut y aller comme, voilà. Et pas se mettre dans la tête, mon Dieu, elle est pas morte, d'accord? Ouais. On te fait des gros bisous, Julie. Salut. 01 42 48 5000 avec le message d'Alice qu'elle a reçu sur les réseaux sociaux. C'est quoi ce message ? Un message de Céline, en fait, elle a dit pour la première fois à son mec qu'elle aimait et il lui a répondu merci. C'est un drame. C'est un drame quand ça t'arrive. Ça fait mal, c'est quoi. C'est poli. Comment réagir quand on dit je t'aime à quelqu'un ? Normalement, on dit je t'aime, quoi. Bah ouais, et surtout, quelle est la pire réponse qu'on vous a donnée, hein, je t'aime ? Dites-nous, allez-y, lâchez-vous. Hein, 01 42 48 5000. En attendant, on met à fond The Chainsmokers Closer sur Fun Radio. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now I'm looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Chainsmokers Closer sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Doc. Oui. Je t'aime. Oui. Voilà, ça c'est une réponse par exemple quand on dit je t'aime à quelqu'un qui peut vous paraître un petit peu désagréable. Alice. Non mais on dit pas d'abord on dit pas je t'aime comme ça facilement. Ah si, moi je le dis moi. Ouais, pas à tout le monde. Moi je suis tout amour. Oui. Alice, je t'aime. Enfin, putain. Ah voilà, parce que c'est marrant parce que quand on dit s'il a dit merci, il a peut-être dit moi aussi. Je sais pas. En tout cas, on va le savoir. Merci, c'est proche. C'est un message qu'on a reçu sur le Facebook de Love in Fun. C'est comment elle s'appelle ? Un message de Céline. Donc elle était un peu frustrée parce que quand elle a dit à son mec qu'elle l'aimait pour la toute première fois, il lui a répondu un peu gêné merci. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas donc cool. Donc voilà, c'est genre merci de c'est m'aimer. C'est quelqu'un qui a pas envie de dire je t'aime à l'autre. Ouais, voilà. Mais il y a un truc aussi important, c'est à quel moment faut-il dire je t'aime ? Parce quand que quand tu l'as au fond du cœur et que tu c'est le ça. Ressens. Quand t'arrives plus à le retenir. En fait, mais voilà. Ça, vraiment, ça sort de toi parce que ouais, tu le ressens profondément. Mais donc, chez certains, ça sort au bout de 2 secondes. Oh, oh. Et puis il y en a qui disent. Ça sort au mauvais moment, ouais. Il y en a qui le disent aussi en pleine jouissance. Ça sort en même temps que tout. Oh, je t'aime. Hein. Mais ça, c'est pas joué. Dites-nous si vous l'avez déjà vécu, les filles. Hein. Non, mais bien sûr, Amélie est avec nous. Bonsoir, Amélie. Salut tout le monde. Salut. Salut. Oh, je t'aime, Amélie. Et puis une fois qu'il a vu Carrel, il dit non, attends, arrête, je déconne. Hein. t'as 20 ans et t'es Nancy, Amélie. Et raconte-nous. Bon, en fait, je parlais avec un garçon à l'époque, c'était au collège. Et on s'entendait super bien, tout ça. Et puis, pour moi, je le considérais comme un ami. Donc, c'était vraiment une personne que j'appréciais beaucoup. Parce qu'à un moment, il est sorti le mot qu'il fallait pas me sortir. Donc, je t'aime. Alors, t'as réagi comment ? Eh ben, j'ai mal réagi. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoute, ça te passera. Ça te passera. Mais attends, c'est très clair que tu n'étais pas du tout amoureuse de lui. Bah non, du tout. C'était vraiment. Là, c'est tout. Le mec est mort. Hein. Le mec est mort. Le mec s'est pendu après. Qui a le courage de dire, pas moi ? Parce que c'est ça le vrai courage. Je suis désolé, mais pas moi. Bah, c'est sous-entendu quand même. Quand on dit ça te passera, c'est que pas moi. Quoi. Bah, il a compris, au moins. Ouais, il a compris. Du coup. Il l'a pas redit après. Non. Du coup, on parle le gars est devenu prêtre. Hein, il s'est dit putain, c'est tombé. C'est mort. Ouais, Amélie. Du coup, on se parle plus. Ça crée un froid. Oui. Ça, c'est le problème aussi quand on se déclare et que t'as l'impression que ça va trop loin. Parce que c'est vrai que quand on dit je t'aime, c'est un peu la phrase mythique, quoi. C'est-à-dire, ça y est, c'est le grand amour, quoi. On y va. Et Suzelle, t'es là ? Oui, salut l'équipe. Bon. Salut. Salut. Fais pas la gueule, Suzelle. Tout va bien ? On t'aime aussi. Fais pas la gueule. Ça va, Suzelle ? Moi, j'avais sorti à mon chéri quand tu m'as dit je t'aime. Je l'ai regardé, j'ai rigolé et je lui ai demandé si c'était vrai. Mais t'étais amoureuse de lui ou pas ? Oui, mais en fait, le mot je t'aime, je connaissais pas. Donc, on t'avait jamais dit ? Jamais. Et le jour où il m'a sorti, je me disais non, il me raconte du pipeau, c'est pas possible. Donc, j'ai rigolé, je lui ai dit c'est mais vrai. Tu attendais qu'il te dise je t'aime ? Tu l'espérais ? Honnêtement, non. Ah bon ? Bon. Et toi, tu l'aimes ? Ah oui, bien sûr. Bah alors, et toi, tu lui dis... je suis avec lui, oui. Non, mais au début, tu lui disais je t'aime et t'attendais pas qu'il te le dise. Non, je disais pas du tout je t'aime. Au début, quand on était ensemble, impossible. D'accord. Et là, donc, là, t'es heureuse, là ? Comment ? T'es heureuse, là ? Oui, complètement. T'as envie de lui dire quoi ce soir en direct sur Fun Radio ? Mon chéri, je t'aime. Et bon, voilà. On va se marier ensemble. Ah putain, c'est beau, ça. Ah, qu'est-ce que tu veux ? Il veut pas t'épouser ? Si, il veut. Mais c'est pour quand, là ? On verra ça d'ici 2 ans. Oh là là ! Oh, ça se planifie ! Ah ouais, alors que Doc lui, Doc, lui en 2 mois, c'est plié, quoi. Début 2017, il va se marier. Tu restes avec nous, Suzelle, et on va continuer d'en parler, continuer de réagir aussi au standard 01 42 48 5000, le numéro de téléphone. Et on sera aussi avec Kevin, 20 ans de Moulins. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Salut, Kevin. T'appelles pourquoi, Kevin ? Bonsoir. Alors, j'ai un souci, je chope des croûtes au cul. Ah ! Quoi ? Ah bah oui, il a des croûtes. Ouais, ça va être un peu jaune, rouge. Ah, bien sûr, ok. Bon, et on va terminer sympa. C'est de l'amour ça, non ? C'est bien sûr, on va écouter Coldplay sur Fun Radio. Him for the Weekend. Du je t'aime, des croûtes au cul, c'est ce qui nous attend dans un instant. A tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Félix J. I am the bonfire. Hi, it's Zara Larsson on Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor.

20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Depuis 20h en direct sur Fun Radio, comme tous les soirs, 20h, 22h. C'est Love in Fun. Merci hein, d'être avec nous. Merci de supporter cette voix insupportable. Et on va tout de suite continuer de parler des je t'aime. Des je t'aime, quand on vous dit je t'aime et que vous répondez pas la bonne réponse en fait. Hein. Je t'aime, merci. Par exemple, hein. Ilan est avec nous. Oui, bonjour. Salut Ilan. Salut. Bonsoir, salut. Bonsoir Ilan. Tu as 14 ans, tu nous appelles de Lyon. Voilà. Bienvenue sur Fun Radio. Alors moi... Putain, c'est cool d'avoir la voix du doc. Oui. Oui, tu nous dis quoi là? Vas-y, on t'écoute. Katoche, oh oui, oh, je touche. Bon, attends, on va l'écouter là parce que. Va te toucher dans ton coin. Ton vagin, Katoche. Oui, c'est ça. Bon. Damien. Moi aussi, j'aime bien toucher. Non, Katoche. Pas Damien. Et c'est incroyable. Oh putain. Ah putain, y a rien qui me fait plus rire que ça. Ah, je te jure. Ilan, bravo, t'es déjà mon champion. Alors qu'est-ce qu'on t'a dit quand on t'a dit je t'aime, Ilan? Eh ben, on m'a demandé, c'était une blague en fait. Quoi? Comment ça? Raconte. En gros, je lui ai dit je t'aime quoi. Ouais. Et elle m'a dit, genre en rigolant, mais ça va pas nous faire des blagues comme ça. Oh putain, mais ça c'est horrible. Ça veut dire qu'elle t'aimait pas. Pirate du monde. Voilà. Mais c'était ta meuf? Bah ouais. D'accord. Et depuis, t'es toujours avec elle ou pas? Bah non. Oui. Bah, on comprend pourquoi. Putain, Ilan, arrête de faire le loser. T'as déjà dit je t'aime et une fille t'a dit je t'aime, j'espère. Ouais, mais il y a plus longtemps, quoi. Oh là, et tu cherches l'amour. Tu vas le trouver, l'amour. T'as quel âge déjà? 14. Bon, ça va. Regarde, Damien. Bien, Ilan. Damien, notre auditeur du soir. Damien, t'as une meuf, toi? Oui. Tu lui as dit je t'aime? Oui, enfin moi d'abord, non, ça c'était... Dans le téléphone, Damien. Quoi dans le téléphone? Ah, elle parle dans le téléphone, sinon je viens de casser ta gueule. Mais je parle dans le téléphone. Allez, donc elle t'a dit quoi? Ben, elle m'a dit moi aussi. Et après, j'ai dit, j'étais dans mon chien. Et mon chien a remué la queue. Ok. Ah oh, putain, merde, il me fait peur. C'est vrai que c'est bien ça. Noémie est avec nous. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Salut Noémie. Salut Noémie. T'as 23 ans et t'es de Lille. Oui, c'est ça. T'as déjà dit je t'aime à quelqu'un? Oui, pour la première fois le mois dernier. Ah ouais. Et putain, alors, c'est ouf. Et alors? Donc j'étais en vacances avec mon copain, ouais. Donc pour première vacances de couple. Ah ouais. Et donc je lui ai dit je t'aime, donc un soir. Ouais. Et la réponse a été un. Donc le un fatal. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est ça. Putain, ça doit être hyper vexant. Surtout en vacances, quoi, tu sais. Genre, c'est ça, c'est les vacances en amoureux et tout. Et ton mec, il fait. Qu'est-ce qui s'est passé après? Tu as fait la gueule. Bah, du coup, je lui ai demandé pourquoi il m'avait répondu ça, parce que c'est vrai que c'est frustrant. Enfin, oui, c'est pas la réponse que j'attendais, en fait. Parce qu'il t'aimait pas. Ah non, bah, ça fait quand même un peu plus d'un an, il me dit qu'il est amoureux. Donc bah oui, d'accord. C'est vrai. Bon. Mais maintenant, ouais. Il t'aime. Oui, apparemment. Il te le dit jamais. Bah si, on se le dit, mais face à face, c'est compliqué. D'accord, elle est un peu timide. Bon, en tout cas, il t'aime, c'est le plus important. Il y a des personnes qui ont du mal à dire je t'aime. Oui, je veux simplement dire aussi que c'est le prouver, c'est pas le dire. Le prouver, alors, c'est on peut pas le dire, mais il faut le prouver. Il faut en faire la oui, preuve voilà. Qu'on aime l'autre. Mm-hmm. Ça, c'est une autre histoire. Parce qu'on peut dire je t'aime très facilement, car elle dit je t'aime à tout le monde, et je peux vous dire qu'elle n'a rien à foutre. Doc, ça, c'est pas gentil. Ah, c'est pour rire. Ah, tu vois. Bon, non, mais bon, voilà, c'est pas les mêmes je t'aime, quoi. C'est non, mais bien sûr, quand je te dis je t'aime. Mais dans Doc, un c'est couple, pour... dans un couple, oui, c'est pas pareil. Parce que j'ai pas envie de te faire des trucs. Hein. Mais j'espère bien pour toi, parce que c'est bon. En tout cas, dans un couple, c'est prouvé qu'on aime l'autre. Voilà. Tu me fais peur, Doc. Ouais. Mais t'as raison, Doc. T'as raison de le préciser. Et je remercie tout le monde, Noémie et Ilan. Vous revenez quand vous voulez. Restez avec nous, Damien, parce qu'on a des croûtes au cul là, qui nous attendent. On est avec Kevin, 20 ans de Moulin. Ça, tu aimes. Bonsoir. Ah bah oui. Hey, Kevin, c'est je t'aime, drôle, toi et tes croûtes. Ah. C'est pas drôle. Alors, donc, ça fait combien de temps que t'as ça? Ça fait à peu près 2 semaines. 2 semaines. Ça gratte, ça sointe. Ça gratte, ouais, surtout. Bah, t'as de l'impétigo, une infection. Bah, tu vas voir le médecin, t'as une infection. Ça gêne beaucoup pour faire caca, quoi. Bah oui, forcément, mais t'as une anite, alors tu peux avoir une inflammation anale avec autour de l'anus. Une infection cutanée, c'est comme ça que ça s'appelle. T'as une anite. Oui, une inflammation anale, ça peut être du streptocoque A, ça arrive souvent. Et c'est une infection bactérienne et ça se soigne. Donc tu vas vite voir le médecin, tu prends ta jambe, tes cou- et ton cul. J'ai pas trop envie d'aller voir un médecin. Et ton en fait. Cul aussi d'ailleurs. Ah bah si. Et tu vas voir le... Comment? Ça soigne pas tout seul. Non.